Pourquoi ils se gêneraient les Anglais? Ils auraient bien tort, les Français. Ils sont tout consentants. Ils sont enthousiastes d'être battus, écrabouillés, dépecés vifs. Ça leur fait plaisir, Dakar, Dunkerque, Libreville. Marcel Kébir, fouillis les oies, ils peuvent bien prendre tout ce qu'ils veulent. Vive les grandes banques et vive le roi, les Antilles, les Indes, Mendoza, pays femelle, vénère, raclée, l'amour bien cruel. Couler toute la flotte française, on leur fait cadeau, les Canaries, la pucelle, Terre-Neuve, Canada. Ils veulent pas de la Corse, mais voyons. Ça n'a vraiment pas d'importance, pas de géographie et de la jouissance. Napoléon, Bachoda, il suffit que ça leur fasse plaisir. On se trouve vengé dans notre honneur. Vive la reine, vive Madame Simpson, abolir nos cathédrales. Vive Dieu l'anglais, nous envoyer les cholérales, boutons d'Alep, la fièvre affreuse. Le chancre mou, ça nous vengera bien notre honneur. Pourvu que ça emmerde les Allemands, on souffrira tout. Après, on reluira tant et plus, c'est érotique. S'ils voulaient nous bombarder, c'est ça qui nous ferait bien jouir. On l'extase alors, cette transe. On serait tout heureux comme à Londres. On irait faire nos queues en cave. C'est ça qui nous vengerait l'honneur. Et si on nous mettait les gaz, du coup alors on se tiendrait plus. Quelle folle délice, quelle jubilation jusqu'aux anges. C'est là vraiment qu'ils nous aimeraient. C'est ça qu'emmerderait les Allemands. On leur ferait des trous dans leur masque. Ils sauraient pas ce qui leur arrive. Alors ça, pardon. Ça sera la moitié d'un sport. On rigolerait de jour, de nuit. On serait mort pour la chambre des lords. De rire sous les gaz hilarants, c'est autre chose que les colonies.